لبن دي بون à mon avis دانام كينك جورج بوشلون نيكولا ساركوزي اخ ابو لاباد نو داي نيك انفير نك لك بينا كي انفير جورج بوش دم لا بيرميسيون انا دوف بوغو واتي نكو فازي مي سو باري دان ريفاي موت ايتاز اوني لا تي فالين تولو ديفلوبمون بي كريز بي نخني افانسي اكسيتيرا voir pendant un quart d'heure nous on a des feuilles la facture on nous a dit 3 millions de dollars mon général ça me fait content Nicolas Sarkozy nous montre une défaite au France rôle la France avance la ligne nous montre une étranger ni bien d'argent les mineurs et tout je le vois water 20 minutes nous n'avons rien à pas 300 000 euros nous y est que tu dois chaque jour Abdoulaye Wade ne ah man amul beure way xama wote quoi parce que destin en Afrique soxal na ni ko wote mu jël wote wax wo Karim Wade génération du concret fan la tollu wote Afrique bi yeup wax tante badjane tout monde wax ba paré pendant une heure de temps raccrocher dit nak ñom mais facture bi ñata la ñu nako juroomi deureum mané abou comment est-ce possible Gaïm, tu appelles de l'enfer à l'enfer, c'est appel local.